Hey Jean! Ouais Yann! Tu te rappelles là quand t'as refusé de prendre tes vacances en juillet? Ben moi j'ai dû annuler ma réservation de camping en août. Et à ce moment-là j'ai tout de suite repensé à la maxime de Hobbes dans le Léviathan. L'homme est un loup pour l'homme. Mais c'est pas dans le Léviathan qu'il est con! C'est dans le Décivé! L'épître dédicatoire! Passe-moi la clé de Dieu. Tiens, et de toute façon c'est pas de Hobbes au départ, hein. C'est une locution de Plaute dans sa comédie Asinaria. Ah Plaute. Lupus est homo homini non homo quam qualis sit non novit. Vas-y accélère maintenant. Enfin ça change pas grand chose. Eh ben, si, dans la formule initiale, Plaute dit que l'homme prend pour un loup l'homme qu'il ne connaît pas. Du coup, si on se connaissait mieux, je te prendrais pas pour une menace. Ouais, mais tu m'as quand même niqué mes vacances. Et toi, tu fais toujours bande à part à midi, jamais un petit coup au bar avec les collègues, jamais un barbecue le dimanche. Mais ouais, mais tu sais bien, c'est ma femme, ah, elle ah, est toujours... Ah. Femina, tua, homini, lupus, est. Quoi? Ta femme est un loup pour l'homme. Ah bon? C'est sûr. On va boire un coup? Ok. Pour des relations apaisées au travail, pensez à philosopher. C'était un message de la prévention psychologique.